Et l'escargot, il passe en maison. Sur son dos. Il se fait écraser quand même. On le mange. Je suis en train de parler sur le disque. Eh bien, clairement, on leur dit, par l'unité de notre camp, qui doit être le plus large possible, contre la répression et pour la défense de leurs revendications, on va gagner cette grève. Mais pas juste cette grève. Pas juste cette grève. On va gagner face à la politique. Vous écoutez A Centrale. Emparons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Vous êtes devant moi pour avoir le 30 décembre, outragé par parole des agents de la force publique. En espèce, il y avait deux gendarmes à qui vous avez dit « Va le bâtard, je vous tuerai » et d'autres choses agréables. J'ai préféré résumer. Envoyez-nous des sons à allo@acentrale.org. Partage tes infos sur la radio A Centrale au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Et voilà, on est à l'écoute de La Centrale. On est diffusé en ce moment par Pinode sur Mulhouse en DAB+, par Radio Piquet sur le web, la parole errante demain, Cause commun aussi sur le web, L'écho des cabanes dans le Gers, Radio Campus France, Radio MNE Mulhouse 107.5, L'écho des Garrigues à Montpellier 88.5. Et évidemment, vous pouvez nous appeler pour participer à l'antenne. Et l'idée, c'est justement qu'on puisse ouvrir cette antenne au maximum. Et là, on tente un truc techniquement, c'était encore un peu sport jusqu'à il y a quelques minutes, quelques secondes. Quelques secondes. Donc là, on est quatre peu partout en France. Donc on va entendre. Je vous donne. Vous êtes à l'antenne. Normalement, on vous entend bien. Il y a Nicolas, Juliette et Jérôme. Salut. Donc et entre. Du coup, là, on serait parti entre. Nantes, Amiens, Paris et Rouen. Ouais, voilà, donc à Centrale aujourd'hui, c'est jusqu'à 20h. Hein. N'hésitez pas à nous appeler dans ce collectif de radio qui, à la base, soutenait la grève, puis qui ensuite a participé à la grève, puis qui maintenant est en train de participer au déconfinement intellectuel de nos corps et de nos esprits. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler, on vous met en direct dans la mesure de nos possibilités techniques, mais ça a l'air de bien rouler. Merci Aude. Je fais mon mieux. 09 50 39 67 59. Eh ben ouais, je cherche le numéro. 50 39 67 59. Voilà, vous pouvez aussi envoyer des sons à notre boîte mail allo@acentrale.org. On se fait un plaisir de les passer quasiment en direct si on a la possibilité. Mais oui, carrément. Et on avait envie d'une antenne un peu vénère, un peu après le moment de sidération, le moment où on a eu... Enfin, c'est difficile ce confinement à vivre. Et en même temps, on peut s'organiser et s'auto-organiser. C'est un peu l'envie qu'on avait envie de... Enfin, ce qu'on avait envie de faire entendre aujourd'hui. Ouais, on va parler d'auto-organisation, d'autogestion, de riposte, de colère parce que voilà, on a la haine, on se réveille le matin, chaque nouvelle nous tord le bide, on en a vraiment marre de voir l'état du monde, de voir l'état de nos gouvernants, de nos gouvernantes. On a envie de servir de ce moment aussi pour pas tout détisser ce qu'on a réussi à créer ces dernières années, créer ces derniers mois, mais plutôt essayer de comprendre ce qui nous arrive dans la gueule et de voir ce qu'on peut faire, parce que ouais, c'est quasiment insoutenable, l'état du monde est insoutenable. Donc on va essayer de vous donner un petit peu d'énergie. En tout cas, nous, on essaie de s'en donner déjà. Et j'espère que vous allez bien, tout le monde, et qu'après cette antenne, vous irez un petit peu mieux. C'est ce qu'on espère. Et aussi, c'est pour vous dire que, évidemment, la centrale, c'est un outil qu'on peut s'approprier tous et toutes. Alors je sais, techniquement on a des sueurs froides, mais franchement on peut y arriver. De streamer chez soi, vous pouvez le faire. On peut vous aider aussi à le faire si vous avez envie. Emparez-vous de l'outil radio, c'est un peu le moment ou jamais. Si vous voulez vivre une aventure extrême en étant confiné dans votre appart que vous ne supportez plus. Si vous voulez avoir des sueurs froides, venez sur la centrale. Merci Juliette. Crise cardiaque toutes les deux secondes, sensation forte, impression qu'on va jamais y arriver, mais finalement on le fait et là vraiment c'est la fête après. Voilà, on espère en tout cas que ça grésille pas, que tout va bien. Et surtout, voilà, comme tu disais à l'instant Nicolas, l'idée c'est de se redonner aussi de l'énergie et de voir ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser. Et il y a des choses déjà qui s'organisent. Ouais, il y en a un paquet. Et juste après, on va d'abord écouter un petit son. Et juste après ça, on parlera avec Jérôme qui parlera de la grève des loyers. Mais d'abord, on va vous mettre un petit son qu'on a trouvé dans le hors-série de la revue sonore Le Grain des Choses. Donc, c'est sur legraindeschosestoutattaché.org. C'est un petit son aussi qui donne, je trouve, un bon état d'esprit, quoi. Ça s'appelle « Ensemble, nous sommes tout » de Yann Chi. Tous ces sons-là, ils sont écoutables et téléchargeables sur le site du Grain des Choses. Vous pouvez également contribuer aux hors-séries qu'ils font autour du confinement. Et donc là, il y en a pour 6 minutes. C'est parti. Ensemble, nous sommes tout est un texte de Yan Chi. C'est l'histoire d'un père et de ses filles. Ici, c'est Françoise Berlanger qui lui prête sa voix. La récolte d'hier, faite avec les filles, ail des ours, lamier blanc, ortie et ficaire. Belle balade le long de l'ancien canal. J'en profite pour apprendre à mes filles quelles plantes sauvages sont comestibles. Ça leur sera sans doute plus utile que de connaître la dynastie belge. La période actuelle me fait beaucoup réfléchir. Pour changer, et lors de cette balade, j'ai dit aux filles de saluer tout le monde, absolument tout le monde, de dire bonjour aux gens, de leur sourire, de leur adresser un signe de la main. Elles adorent. Je crois que c'est sans doute l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Il me semble impératif de renouer le lien social. Des gens ont peur, des gens sont seuls, et il faut que nous soyons là les uns pour les autres. Le terme choisi de distanciation sociale me semble odieux. Quel est l'imbécile qui a pu choisir un terme pareil? N'est-il pas possible de parler de distance sanitaire? La distanciation sociale n'est-elle pas ce que nous vivons quotidiennement quand les clients n'adressent pas un bonjour aux caissières, quand les gens dans le métro ne se regardent pas? Le système dans lequel nous vivons nous a tellement séparés les uns des autres, nous a montés les uns contre les autres, le migrant contre l'autochtone, le travailleur contre le chômeur, l'indépendant contre le fonctionnaire, l'automobiliste contre le piéton, l'homme contre la femme, le croyant contre les autres croyants, le vieux contre le jeune, et maintenant Cette crise arrive et l'on voit bien que ce virus ne tient compte d'aucune catégorie. Nous sommes tous touchés, sans exception. C'est sans doute le moment idéal pour retisser ce lien social que les puissants ont œuvré à détruire pour mieux nous dominer. Alors allez-y, les gens, souriez-vous, saluez-vous, parlez-vous, en respectant la distance sanitaire de mise. Cela va sans dire. Mais ne restez pas coupés les uns des autres. Nous sommes absolument tous dans le même bateau. Et c'est l'entraide et l'union qui nous permettra de sortir de cette situation. Certainement pas la peur de l'autre, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas l'autre qui est un danger, mais le virus. Cette idée de distanciation sociale est une abomination de plus que l'on nous jette à la tête. Gardez vos distances pour vous protéger et protéger l'autre. Mais ayez des contacts sociaux avec les personnes que vous croisez. Et pas seulement avec vos proches, via le téléphone ou les réseaux sociaux. Un sourire, un bonjour lancé d'un trottoir à l'autre, ou d'un balcon à un passant, ne va pas nous mettre en danger. Et ce petit geste, qui peut sembler dérisoire, est capable d'apporter de la lumière à chacun d'entre nous. C'est le moment de relancer notre créativité dans nos rapports les uns aux autres. Soyons créatifs. Réimaginons la façon dont nous pouvons créer du lien ensemble. Je me disais que ce serait chouette d'écrire une lettre à un inconnu en lui disant qu'on est là, que tout va bien et que l'on va sortir de cette crise ensemble. Une lettre d'encouragement et de réconfort que l'on posterait dans une boîte aux lettres d'une maison choisie au hasard, sur le trajet pour aller faire ses courses, par exemple. On pourrait lancer une contre-épidémie de lettres positives pour que chacun de nous se sente entouré et soutenu par tous les autres. Mais c'est juste une idée comme cela. Soyons créatifs et retissons ce foutu lien social qui s'est insidieusement effiloché et que certains ont sciemment saboté pour profiter de notre peur de l'autre. Voilà, je vous aime tous, enfin presque tous, je suis quand même humain. Quelles que soient nos différences, ensemble, nous sommes tout.